طيب، on va commencer tout de suite, inshallah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, الحمد لله. On va commencer maintenant un nouveau livre. Et ce livre, c'est en arabe حكم الاحتفال بالمولد والرد على من أجازه. Et ce livre est écrit par Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui est l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Rahimahullah. C'était le Sheikh de Cheikh Abdelaziz ibn Baz et de plusieurs d'entre les grands ulama aussi. Le Sheikh de Cheikh Al-Fawzan, le Sheikh de plusieurs d'entre les grands mashaykhs. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Rahimahullah, il a écrit cette Risala. Le titre en français, ça pourrait être traduit par le verdict de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Mawlid, et la réfutation de celui qui l'a permis ou qui l'a rendu licite. Et ici, le cheikh, il explique que, donc, dans ce livre, les arguments que certains peuvent essayer de ramener pour essayer de justifier ou de permettre la célébration du Mawlid, et il le réfute, hein? Donc c'est un livre de réfutation. Puis en même temps, il y a le sharh de Cheikh Mustafa ibn Muhammad Mubrim dans ce livre aussi, qui clarifie encore plus les détails de ce sujet. Et le sharh, il a été fait par le Cheikh Mustafa Mubrim, hafadahullah, pendant le séminaire qui a eu lieu au Sénégal. C'est un séminaire en ligne, mais qui était organisé par les frères du Sénégal, pour les frères au Sénégal. Et c'était à Daura tul Imam Malik, à Salafia. Donc c'était la cinquième version de ce séminaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ce charh. Il est en trois parties. Il y a trois parties à ce charh et on va essayer de compléter aujourd'hui la troisième partie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai l'habitude de lire le texte puis de traduire en arabe, de traduire l'arabe après. Cette fois-ci, je vais peut-être essayer de faire sauver du temps en lisant la traduction directement, c'est-à-dire en traduisant directement le texte en français dans certains passages, sauf les textes, bien entendu, du Coran et de la Sunna. Et s'il y a des citations ou des choses importantes, dans ce cas-là, oui, je vais les lire en arabe. Mais le texte lui-même, je vais essayer des fois de sauter en allant directement au français dans certains passages. Donc, l'enregistrement de ces cours-là a été fait dans l'audio sur le site de la radio Mirath al-Anbiya. Et ils ont été retranscrits par écrit par la suite. Et c'est sous format PDF. Et donc, c'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, expliqué par le Cheikh Mustafa Mubrim, Hafidhahullah, pendant la Daura. De la Dora Salafia au Sénégal. Jazakallahu khairan akhi. Donc, le Cheikh, il dit, il commence Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalam, Ala Ashrafil Mursaleen, Ashrafil Anbiya'i wal Mursaleen, Nabina Muhammad, Wa Ala Alihi wa Sahbihi, Wassalama Tasliman Kathira, Ila Yawmuddin, Amma Bad. Donc, il dit, donc, on a organisé donc ce cours pour expliquer le livre du cheikh, de l'ancien mufti du royaume de l'Arabie Saoudite, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, et avec des commentaires sur cette risala, pour cet événement qui est le séminaire au Sénégal. Et les gens qui ont établi ou qui ont organisé ce séminaire m'ont demandé donc de faire des commentaires sur cette risala, qui est relié à ce sujet, c'est-à-dire le Mawlid Nabawi. Et il dit, j'ai choisi que cette conférence ou que ce cours soit donné hein, comme un commentaire sur le livre du cheikh Al-Allama Mohammed ibn Ibrahim. Et donc, j'ai répondu à la demande des frères et il dit, j'ai choisi cette risala parce que cette risala, elle réfute la plupart des choubouhats que les gens qui essaient de justifier ou de permettre la célébration du Mawlid utilisent pour essayer de le justifier. Hein? Donc, cette pratique, cette célébration, c'est une innovation, c'est une bid'a qui est interdite, et qui est rejetée, qui est blâmable, qui est détestable, qui est dangereuse même, et qui contredit l'islam sur plusieurs plans et sur plusieurs points. Et beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui, ils célèbrent cette innovation, cette bid'a, et ils s'imaginent qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Ils disent non, il n'y a rien de mal finalement. Hein? On ne fait que se réjouir de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il y a dans ça quelque chose de très très dangereux, et c'est le fait de yani, inventer quelque chose dans la religion d'Allah. Et ça a des implications très très graves, et c'est ce qu'on va voir à travers la lecture de cette risala. Donc, le cheikh, il explique et il dit, donc, que ce que le cheikh, rahimahullah, a fait, yani, c'est en fait de ramener et de réfuter les paroles de ceux qui prétendent que de célébrer le Mawlid, c'est permis. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bienfaits dans ce livre, hein? Plus que dans d'autres, parfois, qui n'ont pas réuni tous les points bénéfiques qui sont réunis dans cette risala, malgré qu'elle est très courte. Hein, le livre, il est petit en réalité, mais il y a beaucoup de choses clarifiées, yani, malgré la taille qui est vraiment petite du livre. Il n'a pas laissé aucune des choubouhat, excepté que il l'a réfutée. Hein, il l'a réfutée. Il a réfuté ceux qui essaient de permettre cette bid'a. Et il a mentionné chaque point. Et il l'a réfuté avec les preuves du Coran et de la Sunna. Donc, il dit, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais mentionner deux choses. Il dit, la première, c'est que la charia, elle est complète et elle est parfaite. Elle a déjà été complétée. Hein? Et elle n'a donc pas besoin d'aucun ajout. Hein? Peu importe qu'est-ce que cet ajout-là peut être. Le deuxième point, j'aimerais parler également de façon résumée sur la naissance de cette bid'a et comment elle est apparue. Et dans quel pays elle est apparue en premier, et l'histoire de sa naissance, la naissance de cette bid'a. Et il dit, non, il dit, لأنها لا تقع فيه الفائدة العظيمة إذا قرأت رسالة بعد ذلك مما لا نزاع فيه بين المنتسبين إلى الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو الخاتم والخاتم للأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام فلا يحتاج شرعه إلى أن يأتي مكملا له. Donc c'est ça, il explique que donc c'est bien de parler avant de rentrer dans le sujet de cette bid'a, il y en a d'expliquer un peu de son historique. Et ça va rajouter donc plus de clarté, plus de bienfaits dans ce livre du cheikh. Il dit, il n'y a pas de doute parmi les gens qui sont sur l'islam et qui suivent la religion de l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers, celui qui est venu sceller le message et la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ahzab, le verset 40, Walakir Rasul Allah wa khatam an-nabiyyin. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le dernier des messagers. Il est venu clore et sceller la prophétie. Alors cette religion, cette législation, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit pour qu'on la complète ou pour qu'on la parfait, pour la parfaire. Elle est déjà complète. Et il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna qui confirment hein, que la charia elle est complète, la religion elle est complète. Et également dans les paroles des salafs, hein, des sahaba et ceux qui les ont suivis dans leur exemple, hein, il y a des preuves à ce sujet-là. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans Sourate Al-Ma'ida, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Donc, dans ce verset-là, il y a une base importante pour nous, c'est-à-dire le fait que cette religion, elle est complète. Il n'y a aucun manque dedans. Peu importe qu'est-ce que ça pourrait être, il n'y en a pas de déficience ou de manque ou de choses qui sont incomplètes. La religion, elle a été complétée par Allah. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui peut venir rajouter quoi que ce soit dedans. Que ce soit parmi les actes d'adoration, que ce soit parmi les fêtes ou les célébrations, que ce soit parmi les croyances et les principes qui ont rapport avec le dogme ou autre question. Toutes les croyances, toutes les adorations, tous les aspects de la religion ont été complétés par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La révélation était complète à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Également, un autre point important aussi à ce sujet-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le verset 21 dans sourate Shura, « Am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Shura, le verset 21, « Ont-ils des partenaires qu'ils ont associés à Allah qui légifèrent pour eux de la religion, ce que Allah n'a pas permis ?» Donc, personne n'a le droit de légiférer quoi que ce soit dans la religion d'Allah de ce que Allah n'a pas légiféré. Donc, si quelque chose n'a pas été établi par une preuve du Coran ou une preuve de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et si quelque chose n'a pas été également établi par l'exemple de nos salaf, les sahaba, les tabi'in, alors si on n'a aucune référence et aucune preuve à propos d'une action quelconque parmi les choses qui n'ont pas été supportées par la sunna, des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles ou ses actions ou les exemples des sahaba après lui, eh bien on a la preuve à ce moment-là que cette action-là, elle n'est pas légiférée. On n'a pas le droit de la pratiquer. C'est exactement la question à laquelle on va répondre dans ce cours. Mais juste pour répondre de façon résumée à cette question-là, pourquoi, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas interdit cette pratique-là, comme, étant donné que c'est sa fête à lui, donc il ne pouvait pas l'interdire, et de dire par exemple, on fait juste mentionner et dire du bien et de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce jour-là. Alors pourquoi on dit que cette chose-là n'est pas bonne? Déjà, le musulman, dans sa vie de tous les jours, il doit toujours se rappeler du bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Pas seulement une journée par année, mais tous les jours de sa vie. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, il l'honore, il la respecte, il la met en pratique, il l'enseigne et il l'applique dans tous les jours de la vie, 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas de raison de spécifier ou de mettre un jour en particulier dans l'année pour dire on va faire un jour pour faire ça de façon spécifique ou particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ordonné, encouragé ou enseigné à ses compagnons de célébrer sa naissance. Et il n'a pas dit, comme tu dis tout à l'heure, il n'a pas dit de ne pas le faire. D'accord? C'est vrai qu'il n'a pas dit de ne pas le faire. Mais en même temps, on doit comprendre les principes de notre religion, comment cette religion-là fonctionne. La religion fonctionne de manière à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous enseigner tout ce qu'on avait besoin de connaître pour se rapprocher d'Allah. Ça veut dire que s'il ne nous a pas enseigné quelque chose, ça veut dire que dans ce cas-là, cette chose-là, on n'en avait pas besoin pour se rapprocher d'Allah. Puisqu'il nous a tout à enseigner ce qu'on avait besoin de connaître. Si la naissance, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bien, réellement, les sahaba auraient été les premiers à le faire. Et il n'y a aucune narration et aucune preuve qui montre que les sahaba ont mis en pratique cette chose-là durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose également dans la génération qui a suivi. La génération des élèves des sahaba, ni celle qui a suivi par la suite, on n'a jamais trouvé aucun d'entre eux qui célébrait ce genre de célébration-là ou qui fêtait ce genre de fête. Donc, on constate par conséquent donc que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le faire, nous aussi. l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, les quatre grands imams des madhahib. On n'a jamais lu à leur sujet qu'ils ont célébré en un jour particulier la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose pour les imams de l'islam, les imams du hadith, l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, ceux qui nous ont transmis sa sunna dans les hadiths authentiques. Aucun d'entre eux n'a jamais mentionné quelque chose au sujet d'une célébration, au sujet de sa fête. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, même si tu dis qu'il n'a pas enseigné de célébrer sa naissance, il n'a pas non plus enseigné de célébrer la naissance de Jésus, ou la naissance de Moïse, ou la naissance d'Abraham, ou la naissance de Jacob, ou la naissance d'un prophète parmi les prophètes. Si c'était le cas, on aurait su ça dans son exemple, dans ses paroles, dans le Coran. Il y aurait des références, il y aurait des preuves à ce sujet-là. Et même les chrétiens, la célébration de la naissance de Jésus, c'est quelque chose qui est apparu bien longtemps après Jésus. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a instauré cette pratique. La même chose aussi pour la fête de la naissance des autres prophètes qui sont venus auparavant. Donc, nous, dans l'islam, ce genre de célébration-là, ça n'existe pas, en fait. Même de célébrer notre propre anniversaire, ou de célébrer l'anniversaire de nos enfants, ou de célébrer l'anniversaire, comme on le trouve, par exemple, dans certains pays, non seulement ils célèbrent la naissance du prophète Mohammed, mais ils célèbrent également la naissance du cheikh de la tariqa, du cheikh de telle tariqa, du cheikh de telle tariqa, et ils se permettent même, dans ce jour-là, d'aller visiter la tombe, de faire des prières aux morts. Ils adorent même parfois leur cheikh dans la tombe où il est enterré. Ils font des pèlerinages à cette tombe, alors qu'on sait très bien que le pèlerinage dans l'islam, c'est seulement à la Mecque et que ce n'est pas permis de le faire ailleurs. Eux, ils font des pèlerinages ailleurs qu'à la Mecque et en plus de ça, à des tombes. Et ils vénèrent et ils adorent des morts en dehors d'Allah. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk. Et c'est ce que l'islam a condamné depuis le début. Hein, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu justement pour détruire et abolir toute forme d'idolâtrie, toute adoration qui serait offerte à une créature parmi les créatures. Donc, tout ça pour dire, le fait de légiférer des choses qui ne font pas partie de la religion, ça c'est quelque chose de grave. Et comme on va le lire dans ce livre, une parole de l'imam Malik qui a dit, si quelqu'un fait une innovation dans la religion et qui dit que c'est une chose qui est bonne, c'est comme s'il est en train d'accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la transmission du message. Parce que c'est comme si, en voulant dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a caché des choses de la révélation. Il n'a pas transmis tout, ou il n'a pas complété son message. Il fallait attendre qu'il meure, sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous, on puisse la compléter, cette religion, parce qu'elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas complète. Il fallait qu'on rajoute des choses dedans. Et ça, c'est une grave insulte contre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu veux parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour te réjouir du fait que il nous a amené la guidance et qu'il nous a guidés à l'islam, dans ce cas-là, comme Allah il dit dans le Coran, dans le Coran il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. C'est-à-dire, dit au messager d'Allah, dit aux gens, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Donc la façon par laquelle tu vas établir la preuve que tu aimes vraiment Allah, hein, et que tu aimes vraiment le messager, c'est pas en inventant des choses dans la religion ou en faisant des innovations, mais plutôt c'est en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans qu'est-ce qui a déjà été révélé et qu'est-ce qui est établi par les preuves. D'accord? Donc ça, c'est de façon résumée, si on veut, le principe qui est derrière. Mais sinon, il y a plein d'explications et c'est ça ce qu'on veut expliquer maintenant dans ce livre. Donc je vais continuer l'explication. Tu voulais dire quelque chose, Mohammed? Oui, c'est ça. Et puis, il y a d'autres occasions dans lesquelles on peut se réunir. Il y a l'Aïd, Aïd al-Adha, Aïd al-Fitr. Hein? Ça, c'est l'Aïd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire. Donc, il y a du bien dans ça. Mais de faire d'autres célébrations, d'inventer d'autres fêtes, qui font pas partie de l'islam pour imiter les chrétiens ou bien pour suivre l'exemple dans le but de, soi-disant, se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire des dhikr. Mais ça, on le fait tous les jours. Donc pourquoi spécifier ce jour-là en particulier? Le cheikh, il explique et il dit ensuite. Donc, comme il a été également rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam muslim, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la khutbah, c'est-à-dire, quand il faisait la khutbah, ses yeux devenaient rouges et sa voix s'élevait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il se mettait en colère quand il faisait sa khutbah et son discours. C'est-à-dire, il parlait comme s'il était en train d'avertir une armée, hein? Comme s'il s'adresse à une armée. C'est-à-dire, il parlait avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'éloquence, beaucoup d'émotion. Hein? Et yani, il disait, Bu'ithtu ana wassa'a kahatain. J'ai été envoyé, moi, hein, par rapport à l'heure, comme ces deux doigts. C'est-à-dire, l'espace que vous voyez entre les deux, hein, si vous comparez. La longueur, qu'est-ce qui reste entre la fin des temps et la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En voulant dire, il ne reste pas beaucoup par rapport, hein, à la fin des temps, entre moi et la fin des temps. Et il dit, wa yaqul, et il disait également, ensuite, hein, fa inna astaqa al-hadith kitabullah. Et la meilleure parole, c'est le livre d'Allah. Wa khayrul huda huda Muhammad. Et la meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des affaires, c'est les choses inventées. Wa sharrul umur muhdathatuha. C'est-à-dire la pire des choses qui peuvent être faites dans la religion, c'est des choses qui sont inventées. Wa kullu muhdathatin bid'a. Et toute chose inventée dans la religion, c'est une bid'a. Wa kullu bid'atin dalala. Et toute innovation, c'est un égarement. Puis ensuite, il dit, ana awla bi kulli mu'minin min nafsi. C'est-à-dire, j'ai plus de droits sur l'âme sur un croyant que lui-même. Hein? J'ai plus de droits sur un croyant que lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il mérite plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite plus qu'on l'aime lui que qu'on s'aime soi-même. Hein? Et même ça, c'est parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith. Il dit ensuite, comme c'est rapporté dans As-Sahihain selon Aisha radiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Donc, quiconque invente dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors ce sera rejeté. ووصله الإمام مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc celui qui pratique quelque chose dans notre religion, une action quelconque qui ne fait pas partie de notre religion, alors ce sera rejeté. Ça, c'est la deuxième narration qui est apportée à ce sujet-là. Il dit وكذلك جاء في حديث العرباد بن سارية أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذفرت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وهو حديث صححه جمع من الأئمة. Donc ce hadith aussi, qui est le hadith de Al-Arbad ibn Sariya, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, hein, a dirigé la prière, il a dirigé la prière un de ses jours. Puis après avoir fait la salat, il s'est tourné vers nous et il nous a fait une exhortation très profonde, très touchante. Elle a fait couler nos yeux, elle a fait couler les larmes de nos yeux. Elle a fait frémir nos cœurs. Alors l'un d'entre nous a dit, « Ô messager d'Allah, l'exhortation que tu nous as faite, on dirait que c'est un adieu que tu nous fais. Hein? Qu'est-ce que tu nous enjoins de faire? Qu'est-ce que tu nous demandes de prendre comme engagement vis-à-vis de ça ?» Il a dit, « Je vous enjoins de vous préserver d'Allah et d'écouter et d'obéir, même si celui qui est chef sur vous, c'est un esclave éthiopien. » Et il dit, sachez que celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de choses, de divergences. Hein? Alors, accrochez-vous à ma sunna et accrochez-vous à la sunna de mes successeurs bien guidés qui vont venir après moi. Accrochez-vous à celle-ci, cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde aux inventions dans la religion. Hein? Il dit, parce que chaque chose inventée est une bid'a et toute bid'a est égarement. Hein? Et ça, c'est rapporté par de nombreux rapporteurs de hadith, parmi les grands rapporteurs de hadith, parmi les imams. Et il est également mentionné parmi les paroles des sahaba, qu'Allah soit satisfait d'eux, à ce sujet-là, comme l'imam Ibn Majah, il l'a rapporté dans son introduction, dans son sunan. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال إنما هما إثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإياكم محدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc ici, il y a des paroles, comme la parole des sahabas à ce sujet-là, il y en a de nombreuses. Et Ibn Majah, dans son sunan, il rapporte, dans l'introduction du sunan d'Ibn Majah, une parole selon Abdullah ibn Mas'ud, qui dit, il y a deux choses, la parole et la guidance. La parole, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et faites attention, et prenez garde aux choses inventées. Car la pire des choses, ce sont les choses inventées dans la religion. Et toute chose inventée est une bid'a dans la religion, et toute bid'a est égarement. Et Ibn Mas'ud, également, il disait, كان يقول, اتبعوا ولا تبتدعوا, فقد كفيتم. وهكذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال, ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. Donc Ibn Mas'ud, il disait également, suivez et n'innovez pas, ne faites pas de bid'a, parce que فقد كفيتم, c'est-à-dire vous avez reçu ce qui est suffisant pour vous, donc vous n'avez pas besoin d'ajouter ou de faire d'innovation. Et Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit, ça a été rapporté qu'il a dit, il n'y a pas une année qui va venir, excepté que les gens vont inventer dedans des innovations. Et ils vont faire mourir des sunnah. Alors, il dit, jusqu'à ce que, ça va arriver jusqu'à ce que la bid'a va être revivifiée. Les gens vont faire vivre la bid'a et vont faire mourir les sunnah. Donc, les gens, quand ils font des bid'a, des fois, ils ne s'imaginent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils disent, on ne fait rien de mal. Hein? Déjà, la religion, elle est tellement grande, elle est tellement... Il y a tellement grand nombre de choses à mettre en pratique dans la religion, de qu'est-ce qui est légiféré. Il n'y a même pas de place pour que quelqu'un se permette de venir rajouter des choses qui ne sont pas légiférées à pratiquer. Déjà, qu'est-ce qui est légiféré, tu ne l'as même pas fait au complet. Comment tu peux te permettre de laisser ce qui est légiféré pour inventer des choses? Ça veut dire que si tu commences à faire des innovations, eh bien, ça va t'amener petit à petit à délaisser complètement ce qui a été légiféré, hein, et à négliger complètement la sunna par la suite. Donc, le cheikh dit ensuite que toutes ces narrations sont connues, sont célèbres, et elles sont connues parmi les hommes de science et parmi les gens de l'islam, parmi les musulmans. Et il n'y a rien de ça qui est caché ou qui est inconnu des gens. Il dit, ما وقع في مسجد الكوفة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه. Il dit également, les gens savent qu'est-ce qui est arrivé dans la mosquée de Koufa en Irak à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsque des gens se sont mis en cercle et dans chaque cercle il y avait quelqu'un qui était à la tête et qui ordonnait aux gens de faire le tasbih. Hein, il disait, dites Subhanallah 100 fois. Et les gens commençaient à calculer avec les cailloux. Hein, ils commençaient à dire Subhanallah 100 fois. Et après, d'autres qui disaient, dites Allahu Akbar 100 fois. Alors ils commençaient à compter. Dans chaque cercle, ils commençaient à compter 100 fois. Et ils disaient, Hallilu mi'a, dites La ilaha illallah, hein, 100 fois. Et là, ils le faisaient. Alors quand Abu Musa al-Ash'ari a vu ça, il est allé voir Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il lui a dit, viens voir qu'est-ce qui se passe. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, pourquoi tu ne leur as pas interdit? Il a dit, je voulais que tu vois toi en premier, Abu Abdurrahman. Alors quand il est arrivé, il les a vus en train de compter les avec des cailloux, les tasbih et les dhikr. Alors il leur a dit, comme vous êtes vite pour aller vers votre perte, ô Ummah de Muhammad. Il a dit, voici le contenant ou le verre dans lequel le messager d'Allah buvait. Il est encore présent, il n'est même pas brisé. Et ses vêtements ne sont pas encore usés non plus. Et je vous vois déjà en train de faire ces innovations-là. Et ces gens-là ont répondu, ils ont dit, ma aradna illa al-khayr. On n'a pas voulu faire rien d'autre que le bien. Donc, Abdullah ibn Mas'ud a dit, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُدْرِكَ. Combien de gens qui veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Hein? Ce n'est pas suffisant d'avoir l'intention de vouloir faire le bien. Pour faire le bien, il faut être sur la preuve, sur la base de la religion, pas d'inventer des choses. Donc, ces gens-là, à la base, qui pourrait dire, en les regardant, qu'est-ce qu'ils font, c'est mauvais? Est-ce qu'ils sont en train d'écouter de la musique ou de manger du porc ou de boire de l'alcool ou de faire le zina? Non. Pourtant, qu'est-ce qu'ils font? C'est pire que ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme bid'a? C'est pire que ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont légiféré dans la religion d'Allah ce que Allah n'a pas légiféré. Et de légiférer, c'est un droit d'Allah exclusif. Hein? Ils ont légiféré quelque chose qui n'est pas légiféré par Allah ni par son messager. Et ça rentre dans le shirk. Ça rentre, c'est extrêmement grave. Et, donc, ils ont ouvert une porte vers l'égarement, ces gens-là, en faisant ça. Donc, ils ne réalisent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien. Hein? Et c'est ça la plupart des gens qui font des bid'ahs. Comme le frère, qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Il a dit, mais nous, on ne pense pas à faire du mal. On veut juste mentionner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est pas mauvais, ça. C'est sûr que à la base, quand tu regardes comme ça de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être mauvais. Mais il faut voir les choses de façon plus profonde et plus comprendre selon plus des principes de l'islam. Ça nous aide à comprendre justement la gravité de ce qu'il y a dans cette action-là. Même si en apparence, ça peut nous paraître quelque chose d'innocent ou comme on dit quelque chose qui fait pas mal à personne, comme on dit. Hein? L'intention, c'est pas. Si tu as une bonne intention, c'est pas suffisant. Il faut, en plus de la bonne intention, il faut que l'action soit légiférée et qu'elle soit en accord avec la sunna. Bon, il y a ça aussi des fois, comme tu dis. Parfois même, ils prononcent l'intention lorsqu'ils font la salade. Donc, il dit, le cheikh, que c'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud le dit dans une de ses citations très célèbres. « Al-iqtisad fi sunna » أحسنوا من الاجتهاد في بدعة أو في البدعة. C'est-à-dire, Abdullah ibn Mas'ud, il disait de se limiter ou de faire moins, c'est-à-dire de faire moins de la sunna, c'est mieux que de faire beaucoup d'efforts dans la bid'a. Donc, si tu vois quelqu'un, par exemple, il fait énormément d'adoration, mais dans la bid'a, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, ça n'a pas de valeur. Tandis que celui parmi les musulmans qui va appliquer une sunna, même s'il en fait juste un peu, mais ce peu-là, c'est meilleur pour lui. Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est en accord avec la sunna, donc ça va être calculé pour lui. Il aura la récompense pour ça. Tandis que si il le fait sur la bid'a, il n'a pas de récompense. Donc les bid'a, elles sont toutes rejetées. Elles sont toutes blâmables. Et elles rentrent toutes dans le discours de ce qui est interdit dans la religion. Et donc, ça ne rentre pas dans ce qui a été tu des interdictions de l'islam. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de comparer la bid'a à des péchés. Or, il y a une grande différence entre un péché puis une bid'a. Les péchés, en général, il y a un hadith ou un verset ou un hadith dans le Coran qui le spécifie et qui le mentionne comme étant haram. Par exemple, le zina, haram, l'alcool, haram, le porc, haram, hein? Le riba, haram, le qimar, haram. Il y a des textes, il y a des preuves. Tandis que la bid'a, si quelqu'un, par exemple, te demande, est-ce qu'il y a une preuve que le maulid, c'est haram? Non, il n'y a pas de preuve que le maulid, c'est haram. Il n'y a pas un hadith qui dit, célébrer le maulid, c'est haram. Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ce sens-là, hein, que c'est haram. C'est haram par rapport à un principe. C'est haram par rapport à un principe général. Et ce principe général-là, c'est Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Donc, si la chose, elle n'existe pas dans l'islam, c'est normal qu'il n'y ait pas un texte spécifique pour l'interdire. Mais étant donné que ça rentre dans l'adoration, toute personne qui se permet de la faire sans ramener une preuve, eh bien, il a contredit ce principe de la charia. Et ce principe de la charia, c'est quoi? C'est que toute personne qui invente quelque chose dans la religion, alors c'est rejeté. Exactement. Effectivement. Parce que si tu ouvres la porte pour une bid'a, ça veut dire que tu dois accepter toutes les autres bid'a qui viennent avec ou qui viennent après. D'accord? Parce que, comme tu as dit toi-même, hein, si quelqu'un, tu lui dis, si on a le droit, par exemple, tu dis que c'est quoi la preuve que telle chose est une bid'a ou que c'est interdit. Bon. La personne qui veut argumenter, par exemple, sur le fait que ça n'a pas été mentionné dans les textes comme étant interdit, eh bien, comme tu dis, la personne qui voudrait, par exemple, rajouter une cinquième prière par jour, oublie, ou une sixième prière par jour, ou bien dire qu'au lieu de prier quatre rakat pour le asr ou pour le isha, on ne va pas faire quatre. Maintenant, on va rajouter. On va faire cinq rakat ou six. Pourquoi? Parce que, soi-disant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient croyants, étaient pieux, hein? Ils étaient proches d'Allah, donc ils n'avaient pas besoin de faire plus. Mais nous, à notre époque, on est devenu faible, on est devenu, hein, on fait beaucoup de péchés, on a besoin de plus de foi, donc on va rajouter le nombre de rak'at. Au lieu de faire 4, on va faire 6. Ou en faire 5, ou d'autres qui voudraient peut-être ramener d'autres le sens contraire. Ils vont dire, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de temps, les gens n'étaient pas pressés, la vie n'était pas stressante. Aujourd'hui, on est dans une vie moderne, on n'a pas beaucoup de temps, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de faire 5 prières par jour, on va juste faire 3. Et au lieu de faire 4 à 4, on va faire 2, hein, comme les voyageurs. Ou bien des choses comme ça. Ça aussi, ça rentre dans la bid'a. Parce que tu veux enlever dans la religion sans que ce soit établi par des preuves. Ou tu veux ajouter ou tu veux enlever. Dans les deux cas, c'est quelque chose qui est blâmable. Tu peux pas jouer avec la religion comme ça. Et c'est ça le danger de la bid'a. Le cheikh, il dit, فَإِذَا عُلِمَ هَذَا فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْآثَارُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرًا أيضاً أي في النهي عن البدع والتحذير منها قوله ما لم يكن لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دينا فإنه ليس لنا بدين وأيضا جاء عنه وقد مر معنا في التعليق عن دروس العقيدة أنه كان علينا وعليه رحمة الله يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولهذا كان الإمام رحمه الله الإمام مالك رحمه الله كان يقول يعني كان من أشد الناس في هذا الباب وكان يعمل قاعدة سد الذرائع في أشد ما يكون ومن أعجب ما رأيته في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى وإن كنا تبارك وتعالى نعم لا أذكر الآن من أخرج هذا الأثر لكنه أثر على كل حال مشهور أن عبد الرحمن بن مهدي ما دخل المسجد النبوي يعني ووضع رداءه أمام المصلين يعني أمامه وهو يصلي فرآه الإمام مالك رحمه الله يعني رمقه فلما رآه الإمام مالك رحمه الله رمقه ونظر إليه فلما قضى صلاته قال مالك رحمه الله تعالى من ها هنا من الحراس فقيل له فلان وفلان فأمر به فسجن يعني بعبد الرحمن بن مهدي سبحان الله فلما علم بأنه عبد الرحمن بن مهدي وجيء إلى الإمام مالك وجيء به ووقف عليه فسأله فاعتذر إلى الإمام مالك بأنه قد ثقل عليه رداءه وأن الحر كان شديدا فعذره الإمام مالك رحمه الله بعد أن نهاه عن الإحداث وأن هذا الأمر لم يكن معروفا في هذا المسجد وأنه قد أحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يكن معروفا وعلى كل حال هذا الأمر كما قلت لكم أمر معلوم لا يخفى على من له عناية بطلب العلم. Donc ici le cheikh il mentionne quelques-unes des paroles de l'imam Malik rahimahullah au sujet des bid'ah. Et l'imam Malik il a de nombreuses citations rahimahullah contre les innovations et contre la bid'ah et yani l'avertissement contre les bid'ah. Malgré que tu trouves beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui maliki, prétendent être malikites, et tu les vois, Allah al-Musta'an, faire ces bid'ah, et même dernièrement, je me rappelle, il y a un individu comme ça sur Twitter qui utilisait cet argument-là. En voulant dire, non, il y a des divergences sur le maulid, et moi je suis maliki, et les malikis, soi-disant, ils font ça. Yani, subhanallah, ça c'est un mensonge contre l'imam Malik. Puisque l'imam Malik, il n'a jamais fait le maulid, il n'a jamais célébré le maulid. Et, yani, en même temps, il a plein de paroles très sévères et très dures pour interdire les bid'ahs et pour critiquer ceux qui les pratiquent. Et parmi les paroles de l'imam Malik à ce sujet-là, Il disait, rahimahullah, ceux qui n'étaient pas de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ce n'est pas de notre religion à nous. C'est-à-dire que si les sahaba ils ne faisaient pas quelque chose, ils ne pratiquaient pas quelque chose comme étant de la religion, alors nous aujourd'hui on n'a pas le droit de dire que ça fait partie de la religion. Et si on prend comme exemple le maulid, eh bien par conséquent on n'a pas le droit de prétendre que le maulid fait partie de la religion puisque ça n'existait pas à l'époque des sahaba. Également un autre exemple de l'imam Malik, une parole célèbre, il disait يعني لن يصلح هذا لن يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. C'est-à-dire que y a rien qui va pouvoir réformer les derniers de cette umma excepté si c'est ce qui a réformé les premiers. Donc ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette umma, c'est seulement ça qui peut réformer les derniers, rien d'autre. En voulant dire que y a rien qui doit être innové dans la religion d'Allah. Et l'imam Malik était parmi les plus sévères et les plus durs dans ce domaine-là, et dans le fait d'appliquer la règle justement de fermer la porte à tout ce qui peut amener à un péché ou à une innovation. Il dit, parmi les choses les plus étonnantes que j'ai trouvées dans la biographie de l'imam Malik, Il dit, je me rappelle plus qui l'a rapporté maintenant, mais c'est une parole très célèbre. C'est à propos de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, lorsqu'il est venu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un des grands imams parmi les imams de l'islam, hein, de l'époque de l'imam. Il était à la même époque que l'imam Malik. Il était célèbre et respecté parmi les grands ulama imams du hadith. Et lorsqu'il est venu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu faire sa salat, il a pris son vêtement et il l'a mis devant lui. Hein? Il l'a mis devant lui dans la mosquée, alors qu'il faisait la salat. Alors l'imam Malik l'a vu, hein? Et subhanallah, quand il l'a remarqué, il a vu qu'est-ce qu'il a fait. Alors quand il a terminé sa salat, l'imam Malik, il a dit, qui est là parmi les gardiens, hein? Parmi les gardiens de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on lui a dit un tel et un tel. Parce que l'imam Malik, c'est l'imam de Médine. Il connaît les gardiens de la mosquée, il connaît tout le monde. Hein? Et tout le monde le connaît à Médine. Alors, subhanallah, il a dit, qui est là parmi les gardiens? Il a dit un tel et un tel. Alors il a ordonné qu'on vienne pour l'enfermer, l'emprisonner. Ils ont pris Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, et puis ils l'ont amené en prison. À cause de l'imam, parce que l'imam Malik a vu qu'est-ce qu'il a fait. Et quand les gens ont su que c'était Abdurrahman ibn Mahdi, et qu'il était venu voir l'imam Malik, alors on l'a ramené devant l'imam Malik par la suite. Il s'est excusé à l'imam Malik, hein, et il a expliqué pourquoi il avait fait ça. Il a dit que son rida, son vêtement, était devenu lourd sur lui, et surtout avec la chaleur et tout, donc il l'avait retiré pour le mettre devant lui. Alors l'imam Malik l'a excusé et il lui a expliqué, il lui a interdit de faire des innovations et lui a dit que cette action qu'il a faite n'était pas connue dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il avait innové dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'était pas connu. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis juste son manteau devant lui pendant qu'il priait. C'est quelque chose qui n'était pas connu dans la mosquée du prophète. Les gens ne faisaient pas ça. Hein? Donc, il l'a critiqué, il l'a arrêté pour ça, sans savoir que c'était l'imam Abdurrahman ibn Mahdi. À la kulli hal, le cheikh, il explique, il dit ensuite que donc cette religion, c'est la religion que les compagnons du prophète suivaient. Hein, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon à travers les meilleurs siècles. Donc, ils suivaient ce que suivait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont jamais rien inventé. Ils n'ont jamais innové quoi que ce soit dans la religion d'Allah, que Allah soit satisfait d'eux. Et donc, toute bid'a qui est apparue, ou toute chose contradictoire à la sunna, hein, ils se sont mis debout pour l'arrêter et pour les réfuter. Et pour blâmer les gens qui les faisaient ou qui les disaient. Et donc ça c'est un domaine, une question qui est très vaste. Hein? Comme on a lu les paroles des salaf et des sahaba au sujet de la bid'a des qadariyah, ceux qui nient le qadar, ou de la bid'a des khawarij. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les khawarij et comment ils les ont combattus, comment ils les ont réfutés. De même que ce qu'ils ont fait avec la bid'a des shi'a, hein? Rafida et autres. Il y a beaucoup de paroles des sahaba à ce sujet-là. Et beaucoup d'autres pratiques, parmi les pratiques innovées que les sahaba avaient réfutées à leur époque. De même que, qu'est-ce qui est venu par la suite à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba? Eh bien, on a vu à leur époque aussi, hein, des réfutations, des innovations. De même qu'à l'époque de leurs élèves, les élèves des élèves des sahaba. Et plus que les gens s'éloignaient de l'époque première, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus les innovations commençaient à augmenter et commençaient à devenir plus nombreuses. Lorsque les gens commençaient à s'éloigner de la lumière de la science, hein, et qu'ils tombaient dans l'ignorance, eh bien on a vu que en tombant dans l'ignorance, hein, l'ignorance du fait que les gens ignoraient les questions qui ont rapport avec la sunna, et ils ont commencé donc à inventer des innovations, à inventer des bid'as, et à attribuer ces innovations et ces bid'as à la religion. Et donc, après, ils les ont pratiqué, ils les ont mis en pratique, ils ont commencé à les faire. Et ils ont continué comme ça, hein, dans plusieurs questions de la religion, apparentes et cachées. Et on a vu que siècle après siècle, hein, beaucoup de gens parmi le commun des musulmans, mois après mois, ils ont commencé à dire des innovations ou faire des innovations. Parmi les différents jours de l'année, les gens commencent à inventer des innovations et des bidas. Hein? Soit que ces choses-là sont reliées avec le début de la vie d'une personne, comme par exemple lors de sa naissance, ou reliées avec sa mort lorsqu'il meurt, hein? sans même parler de d'autres catégories de bid'ah que les gens font pendant la vie de façon générale ou lors de la mort, hein, des gens. Parmi les choses innovées, il y en a qui sont innombrables. Hein? Et il dit, donc c'est ça, parmi les choses que leurs imams et leurs, hein, leurs chouyours ont inventées dans la religion. Tu regardes dans certains pays musulmans, qu'est-ce que les musulmans font par exemple, alaykoum salam, qu'est-ce qu'ils font lorsque quelqu'un naît? Hein, lorsqu'un bébé naît, qu'est-ce qu'ils font comme pratique? Et est-ce que c'est en accord avec la sunna? Tu vois qu'il y a beaucoup de bid'ah. Et quand tu regardes la mort de quelqu'un, lorsque quelqu'un décède, toutes les innovations et les bid'ah que les gens pratiquent dans ces événements-là, hein, c'est étonnant à quel point c'est grave. Donc, si on comprend ce principe-là, eh bien, on sait que Yanni, c'est une question qui est très très importante à comprendre et très grave. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. En ce qui concerne la suite, on va la refaire, Inch'Allah. Je vais essayer de faire pendant quelques jours, là, je vais faire tous les jours une partie de cette risala, Inch'Allah, pour la compléter. Et puis, à la fin, ce sera une série de cours spécifiquement donc sur le Mawlid. Et je pense que c'est nécessaire parce que j'ai jamais fait de cours seulement sur le Mawlid. J'ai fait des cours généraux pour réfuter la bid'a de façon générale, mais sur la bid'a du Mawlid en particulier, jusqu'à date, je pense que j'en avais pas fait. Et je pense que c'est donc nécessaire. On a fait hier, quelques jours en arrière, mardi et mercredi. Alhamdulillah, on avait fait un séminaire sur le sujet qui était très très bénéfique. D'accord, donc Alhamdulillah, ça c'est un plus pour la communauté des musulmans francophones qui ont besoin de connaître les règles à ce sujet-là pour connaître la réalité de cette question-là. Et je pense que ce livre-là, ici maintenant, ça va être également un atout et un ajout important à la clarification du sujet. Walhamdulillah, Rabbil Alameen. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.